Le père de Sainte-Thérèse par Céline. Travail et désintéressement. La vie de nos parents était simple, économe sans avarice, et laborieuse, pour subvenir aux besoins de leurs nombreux enfants, à qui ils tenaient à procurer une instruction soignée et chrétienne, en tout premier lieu. Pour atteindre à ce but, que de sacrifices ne se sont-ils pas imposés? Ma mère avait un tempérament très actif. On la voyait toujours occupée. La tâche familiale jointe à la fabrication du point d'Alençon l'absorbait parfois à l'excès. Notre père l'aidait de tous ses moyens et elle s'émerveillait de ses réussites commerciales. La voyant se fatiguer outre mesure, il insistait pour qu'elle prît de nouvelles ouvrières, allant jusqu'à lui conseiller de céder son entreprise. Mais quand on essayait de modérer son zèle, en cela ou dans ses sollicitudes maternelles, elle n'entendait pas facilement raison. Papa était souvent forcé de la laisser faire. Toutefois, lui-même, afin de lui consacrer plus de temps et d'alléger son labeur, avait vendu sa bijouterie. Personnellement très artiste, il put ainsi la seconder plus efficacement encore, prenant, en son nom, la fabrication de la célèbre dentelle. Avec l'esprit pratique qui le caractérisait, il s'intéressait à tout ce qu'il entreprenait et considérait comme son devoir. Aussi, flétrissait-il sévèrement toute nonchalance dès qu'il la rencontrait. Il menait habilement ses affaires, dans un complet détachement, sans chercher à se faire une fortune. J'ai encore présente à la mémoire la place où, dans la rue, il me dit un jour, « Je sens que, facilement, je prendrai goût à mes placements d'argent, mais je ne veux pas m'y laisser entraîner. C'est une pente si dangereuse et qui conduit à l'agiotage. » Par suite, il ne donna jamais à sa gérance que la prudence strictement indispensable, jetant toutes ses sollicitudes dans le Seigneur. Psaume 84, 23, comme le conseillent nos saints livres. Et le Seigneur lui fut fidèle. En voici un exemple. Son notaire lui avait proposé une opération, jugée très avantageuse, et devait l'accompagner à Bordeaux où l'affaire allait se conclure. Mais le matin même du départ, mon père fut pris, sans aucune raison, d'une sorte d'entorse. Il vit là une indication de la Providence et, malgré les instances du notaire qui frappait à la porte, il refusa de prendre part au voyage. Peu de temps après, l'entreprise sombrait. C'est pourquoi, instruit par l'expérience, sa confiance en Dieu lui faisait envisager avec sérénité la perte possible de ses biens. Thérèse rappelle, dans une de ses lettres, comment il disait en riant, « On fera ceci ou cela quand nous serons ruinés. » Il nous citait, souvent, d'un ton pénétrant ce passage de l'Imitation. Avoir en abondance les biens du temps, ce n'est pas là le bonheur de l'homme, la médiocrité lui suffit. Imitation, livre 1, chapitre 22. Son désintéressement a été relevé par ma mère au sujet d'une somme que, dans une succession, un entrepreneur réclamait sans preuve suffisante. Elle écrivait, le 3 janvier 1872, à son frère, lui-même engagé dans l'affaire. Bien entendu, nous l'avons payé, ainsi que les intérêts de cette somme qui n'avait pas été acquittée depuis 8 ans. Mon mari m'a dit, je tiens à ce qu'Isidore n'en paie point sa part, il a trop bien agi envers toi. Je te raconte cela pour te montrer combien Louis est bon. À cette entrée dans famille, mes parents mettaient leur joie. Ma mère écrit à sa belle-sœur, le 30 juillet 1871, « Mon mari s'est décidé à vendre une partie de son crédit foncier, avec une perte de 1300 francs sur 11 000 francs qu'il a rapporté. Si mon frère a besoin d'argent, qu'il en demande de suite. » Grâce à leur travail, nous vivions dans une belle aisance, mais il ne recherchait pas le gain pour lui-même, et, à la mort de maman, notre père cessant toute occupation lucrative, se consacra entièrement à ses enfants. D'ailleurs, il ne pouvait continuer la fabrication du point d'Alençon qui exigeait une direction féminine. Cependant, à Lisieux, il ne mènera pas une vie oisive, bien au contraire. Il sut partager son temps entre le travail intellectuel, l'organisation de la maison, la gestion de sa fortune, les devoirs de piété et notre éducation à toutes. Esprit cultivé, il aimait la lecture. Tout jeune homme, le génie du christianisme, de Chateaubriand, l'avait ravi et il tint à se procurer cet ouvrage. Il s'était constitué un recueil de morceaux choisis et copiés par lui, dont il possédait de mémoire un certain nombre. Dans sa collection de livres figuraient Les études sur le christianisme, d'Auguste Nicolas, L'histoire du peuple de Dieu, des écrits de saint Alphonse de Ligori, tous les volumes de l'année liturgique, de Dom Guéranger, etc. Chaque semaine, Marie, notre sœur aînée, prenait pour lui divers ouvrages à la bibliothèque paroissiale. Il lut ainsi des vies de saints, mais aussi des livres d'histoire qui l'intéressaient beaucoup. Histoire de France, de l'Empire, Histoire de l'Église, le réformateur de la Trappe, Monsieur de Rancé, etc. Les romans n'avaient pour lui aucune attirance. Pour le distraire, Marie lui en apporta plusieurs, mais il les lui rendait en souriant. Tout au contraire, la poésie lui était pleine de charme. Il nous en récitait de mémoire, avec sentiment, de belles tirades principalement de Lamartine et de Victor Hugo. Aux heures de travail manuel, outre l'entretien du jardin, au buissonnet, il avait pris en charge la petite basse-cour, soignait poules et lapins, pourvoyant à leur nourriture, sans vouloir se faire aider pour le nettoyage. Nous avions une volière avec des oiseaux d'agrément dont il prenait également soin. Pour nous distraire, il alla jusqu'à apprendre à parler à une pie apprivoisée. Il s'occupait encore du cellier, de l'achat des pommes pour le cidre qu'il faisait brasser à la maison, y mettant lui-même la main. Il sciait, cassait et rangeait au bûcher tout le bois nécessaire au ménage. Je l'y ai surpris bien fatigué, surtout les derniers temps. Au belvédère, je le vois encore travailler avec attention à des rouages de montre et pendule, j'en fis même un croquis. J'élevai des vers à soyer, pour me faciliter le dévidage des cocons, il poussa la bonté jusqu'à me fabriquer un minuscule rouet. Il inventait encore de menus jouets, faits avec des pelures de melon, d'orange ou de moelle de sureau. Les petits chariots de melon roulaient parfaitement et ils étaient très gentils d'aspect. Licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial, partage à l'identique, markendanarchive.org, d'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.